Chapitre 7e De ce qui arriva dans le royaume des bébés. Lorsque Poltronet, son écuyer Drondin et son ami le perroquet arrivèrent dans la capitale du royaume des bébés, ils furent étonnés du singulier aspect que présentaient les habitants. Tous étaient vêtus à peu près uniformément d'un grand tablier à bavette et coiffés d'un bourrelet. Partout, dans les rues et sur les places, on dansait des rondes sur l'air de girofler girofla. Les plus sérieux habillaient des poupées ou traînaient gravement des chariots attachés au bout d'une ficelle. Quelques-uns faisaient la dinette. On aurait dit un peuple d'enfants géants dont les parents avaient émigré. La physionomie de la ville et du pays même était en rapport avec celle des habitants. La campagne était plantée d'arbres frisés et taillés en pointe. Les maisons étaient généralement jaunes avec des toits rouges et des fenêtres brunes. Les boutiques, parmi lesquelles les magasins de jouets d'enfants se distinguaient par leur nombre et leur magnificence, étalaient aux yeux toutes sortes d'objets qui ne semblaient nullement destinés à un usage sérieux. Enfin, tout ce qu'on voyait avait l'air d'avoir été tiré d'une immense boîte de joujoux et d'attendre le moment d'y rentrer. Le palais où demeuraient le roi Toto et la reine Zaza aurait fait, grâce à son architecture d'un genre tout particulier, la joie des spectateurs les plus gâtés du jour de l'an. On aurait dit que la construction n'avait été dirigée par le bonhomme Noël lui-même, tant il était découpé, dentelé, tailladé, orné de verres de couleur et surmonté de clochetons en forme de hochet, le tout ne se tenant guère ensemble et paraissant avoir été posé comme un décor de théâtre. Poltronet s'y rendit immédiatement, pressé qu'il était de voir si l'enchanteur Spavento lui avait dit la vérité, et il put s'en convaincre du premier coup d'œil. En effet, dans une salle richement garnie de meubles bizarres, qui avaient tous l'air d'être en carton peint, Poltronet trouva le roi et la reine. Toto était monté sur un grand cheval à mécanique qu'il faisait courir en tournant de toutes ses forces la manivelle plantée dans le cou de l'animal factice. Quant à Zaza, elle était sagement assise par terre et elle habillait, avec toutes sortes de soins maternels, une magnifique poupée à tête de cire. Le prince et ses compagnons furent bien reçus et ils virent facilement qu'ils avaient affaire à des enfants bien élevés. Pourtant, il faut dire que le roi ne put s'empêcher de rire en voyant la grosse face de Drondin. Mais la reine se leva, fit une belle révérence à Poltronet et resta tout debout devant lui en tournant entre ses doigts le coin de son tablier. Elle était charmante et on eût difficilement trouvé un bébé plus agréable à voir. Elle était grande, bien faite et avait une figure des plus fraîches avec deux grands yeux bleus étonnés qui avaient l'air d'être en faïence. Poltronet lui fit son compliment, espérant qu'elle y répondrait et qu'il pourrait ainsi juger de ce qu'il tenait tant à savoir. Mais Zaza garda le silence, continuant de se balancer devant le prince, portant un doigt à sa bouche comme s'il avait envie de pleurer, et tenant baissés ses beaux yeux, qu'elle relevait de temps en temps pour regarder furtivement le perroquet perché sur l'épaule de Poltronet. Celui-ci l'encouragea par de nouvelles paroles, si bien qu'enfin elle se décida, emportée d'ailleurs par une admiration qu'elle ne pouvait plus contenir. « Oh, le joli moineau !» dit la reine Zaza. « Est-ce qu'il parle ?»« Oui, grande reine !» répondit lui-même le perroquet de sa voix la plus claire et la plus accentuée. Dès lors, la glace fut rompue, et la reine, dont le roi partagea bientôt l'enthousiasme, se mit à causer avec l'oiseau, ne s'arrêtant que pour sauter et battre des mains, jusqu'au moment où un officier du palais, portant pour signe distinctif de sa charge une grande canne de tambour major, vint annoncer au roi et à la reine que deux de leurs sujets étaient en grande dispute et que l'un d'eux amenait l'autre pour en demander justice. « C'est ennuyeux, » dit le roi, « ils sont toujours à se quereller. »« C'est vrai, » dit la reine, « on n'a pas seulement 12 heures de récréation dans la journée. » Cependant, on introduisit les plaideurs et le plaignant exposa les motifs de la contestation. Il raconta qu'il était marchand de joujoux de son état et qu'il avait exposé à son étalage un polichinelle d'un remarquable travail qui remuait les yeux, les bras et les jambes. Cette merveille attirait devant sa boutique un grand concours de monde. Or, ajouta-t-il, j'ai remarqué parmi les autres ce grand petit garçon qui s'arrêtait tous les jours, restait là longtemps, les yeux écarquillés, et finissait toujours par marchander le beau polichinelle. Je lui en disais le prix. prix assez élevé par parenthèse pour qu'un roi seul puisse payer cette œuvre d'art, et il s'en allait en soupirant. Ce matin, il est passé comme à l'ordinaire, mais il ne s'est pas arrêté, et comme je lui criais « Eh bien, êtes-vous décidé à donner les 1000 sequins ?» Il se mit à se frotter l'index de sa main droite en me disant « Je t'en ratisse, je l'ai vu en rêve, ton polichinelle. J'ai joué avec lui toute la nuit et j'en ai assez. »« Eh bien, où est le mal ?» dit le roi. « Dame !» reprit le marchand. « Puisque ce faiseur de rêve a joué avec mon polichinelle et qu'il a joué assez pour en être rassasié, je prétends qu'il me le paye. »« Et moi, je prétends ne pas le payer, » dit l'autre. Toto fourra ses doigts dans son nez en réfléchissant profondément, tandis que Zaza suçait son pouce d'un air méditatif. « C'est difficile à juger, » dit Toto. « C'est impossible, » dit Zaza. « Rien n'est plus aisé, » dit le perroquet, « qu'on apporte seulement une table, un miroir et un gros sac d'argent. À combien évaluez-vous votre polichinelle ? » continua-t-il en s'adressant au marchand, pendant qu'on apprêtait ce qu'il avait demandé. « À 1000 sequins, » répondit celui-ci. « C'est bien. » « Vous, » reprit-il en s'adressant au défenseur, qui s'occupait à se moucher sur sa manche, « venez ici et comptez 1000 sequins là, sur la table. »« Très bien. » « À présent, vous, marchand de joujoux, vous pouvez prendre votre argent. » Et comme le marchand tout joyeux avançait la main vers les 1000 sequins, « Un instant, » dit le perroquet, « pas cela. » Prenez ceux que vous voyez dans le miroir et allez-vous-en avec. Vous êtes payé. » Ce fut alors que la reine Zaza sauta de joie et frappa dans ses petites mains blanches. Le roi admira aussi la sagesse et l'esprit du perroquet, mais avec moins d'enthousiasme. Le polichinelle dont il avait été question ne lui sortait pas de la tête, et peu à peu le désir de voir cette merveille devint si vif qu'il sortit et rentra bientôt rapportant le beau joujou dont il avait donné le prix demandé par le marchand. Il se mit à le faire mouvoir, ne s'occupant de rien autre chose, et essayant de faire partager l'ivresse de sa joie à la reine. Mais Zaza, elle, ne songeait qu'au perroquet et ne se lassait pas de le faire parler et de l'entendre raconter des histoires. Vers la fin de la journée, elle en était venue à ce point qu'il lui semblait que la vie ne pouvait offrir d'autre bonheur que la possession d'un si charmant perroquet, et elle se décida à demander à Poltronet s'il consentirait à le lui céder. « À aucun prix, » répondit le prince. « Pas même si le roi vous donnait en échange ce polichinelle qui lui procure tant d'amusement. « Je ne veux pas donner un polichinelle pour un oiseau, » s'écria le roi. « Pas même quand il me donnerait son royaume avec tout ce qu'il renferme, » dit le prince. Zaza fit la moue. Néanmoins, elle continua à traiter Poltronet avec amitié, tout comme s'il n'eût été question de rien. Le lendemain, Poltronet, qui avait logé dans le palais, fut étonné, en se réveillant, d'entendre un grand bruit autour de lui et de se sentir garrotté de tous ses membres. Il regarda et se vit entouré par les gardes du roi qui le menèrent, ou plutôt le portèrent, devant le souverain des bébés. Le monarque n'était pas de bonne humeur. On voyait qu'il avait beaucoup pleuré, et la colère respirait dans les coins de sa bouche, qui se contractait en bleuissant, comme si des larmes et des sanglots allaient encore lui échapper malgré lui. « Prince, » s'écria-t-il d'une voix irritée dès qu'il vit Poltronet devant lui, « vous avez commis un crime infâme. »« Moi ?» s'écria Poltronet. « Vous, » reprit Toto, « pendant cette nuit fatale, vous avez volé et brûlé mon polichinelle. Ne dites pas non. La reine nous a vus de ses yeux, et on a retrouvé le corps du délit, un sabot rouge et les fils de fer. Pour vous punir, vous serez enfermé dans la tour de carton et vous y resterez prisonnier toute votre vie. Ce ne sera pas long. On ne vous donnera rien à manger. »